Chapitre 11e, la nuit du 12 au 13 juillet. La rue avait d'abord paru vide et déserte à Bio et à Pitou, parce que les dragons, s'engageant la poursuite de la masse des fuyards, avaient remonté le marché Saint-Honoré et s'étaient répandus dans les rues Louis-le-Grand et Gaillon. Mais à mesure que Bio s'avançait vers le palais royal, en rugissant instinctivement et à demi-voix le mot « vengeance », des hommes apparaissaient au coin des rues, à la sortie des allées, au seuil des portes cochères, qui d'abord muets et effarés, regardaient autour d'eux, et assurés de l'absence des dragons, faisaient cortège à cette marche funèbre, en répétant d'abord à demi-voix, ensuite tout haut, enfin à grands cris, le mot « vengeance ». Pitou marchait derrière le fermier, le bonnet du Savoyard à la main. Ils arrivèrent ainsi, funèbre et effrayante procession, sur la place du palais royal, où tout un peuple ivre de colère tenait conseil et sollicitait l'appui des soldats français contre les étrangers. « Qu'est-ce que c'est que ces hommes en uniforme ?» demanda Biot en arrivant sur le front d'une compagnie qui se tenait, l'arme au pied, barrant la place du palais royal, de la grande porte du château à la rue de Chartres. « Ce sont les gardes françaises !» crièrent plusieurs voix. « Ah !» dit Biot en s'approchant et en montrant le corps du Savoyard, qui n'était plus qu'un cadavre, aux soldats. « Ah, vous êtes français, et vous nous laissez égorger par des Allemands ?» Les gardes françaises firent malgré elles un mouvement en arrière. Murmuraient quelques voix dans les rangs. « Oui, mort, mort assassiné, lui et bien d'autres. Et par qui ? Par les dragons du royal allemand. N'avez-vous donc pas entendu les cris, les coups de feu, le galop des chevaux ?»« Si fait, si fait !» crièrent 200 ou 300 voix. « On égorgeait le peuple sur la place Vendôme. » « Et vous êtes du peuple, milieu !» s'écria Biot en s'adressant aux soldats. « C'est donc une lâcheté à vous de laisser gorger vos frères. »« Une lâcheté !» murmurèrent quelques voix menaçantes dans les rangs. « Oui, une lâcheté, je l'ai dit et je le répète. »« Allons !» continua Biot en faisant 3 pas vers le point d'où étaient venues les menaces. « N'allez-vous pas me tuer, moi, pour prouver que vous n'êtes pas des lâches ?»« Eh bien, c'est bon !» dirent des soldats. « Vous êtes un brave, mon ami, mais vous êtes bourgeois !» Et vous pouvez faire ce que vous voulez, mais le militaire est soldat, et il a une consigne. De sorte, s'écria Biot, que si vous receviez l'ordre de tirer sur nous, c'est-à-dire sur des hommes sans armes, vous tireriez, vous, les successeurs des hommes de Fontenoy, qui rendiez des points aux Anglais en leur disant de faire feu les premiers. Moi, je sais bien que je ne ferai pas feu, dit une voix dans les rangs. Ni moi, répétèrent 100 voix. Alors empêchez donc les autres de faire feu sur nous, dit Biot. « Nous laisser égorger par les Allemands, c'est exactement comme si vous nous égorgiez vous-même. »« les dragons !» crièrent plusieurs voix en même temps que la foule, repoussée, commençait à déborder sur la place en fuyant par la rue Richelieu. Et l'on entendait, encore éloigné, mais se rapprochant, le galop d'une lourde cavalerie retentissant sur le pavé. « aux armes !» criaient les fuyards. « Milieu !» dit Biot en jetant à terre le corps du Savoyard qu'il n'avait pas encore quitté. « Donnez-nous vos fusils, au moins, si vous ne voulez pas vous en servir. »« Eh bien, si fait, mille tonnerres, nous nous en servirons, » dit le soldat auquel Biot s'était adressé en dégageant des mains du fermier son fusil que l'autre avait déjà empoigné. « Allons, allons, aux dents la cartouche, et si les Autrichiens disent quelque chose à ces braves gens, nous verrons. »« Oui, oui, nous verrons. » crièrent les soldats en portant leurs mains, leur giberne et la cartouche à leur bouche. « Oh, tonnerre !» s'écria Biot piétinant, « et dire que je n'ai pas pris mon fusil de chasse. Mais il y aura peut-être bien un de ces gueux d'Autrichiens de tuer, et je prendrai son mousqueton. »« En attendant, » dit une voix, « prenez cette carabine, elle est toute chargée. » Et en même temps, un homme inconnu glissa une riche carabine aux mains de Biot. Juste en ce moment, les dragons débouchaient sur la place, bousculant et sabrant tout ce qui se trouvait devant eux. L'officier qui commandait les gardes françaises fit 4 pas en avant. « Holà, messieurs les dragons » cria-t-il, « halte là, s'il vous plaît !» Soit que les dragons n'entendissent pas, soit qu'ils ne voulussent pas entendre, soit enfin qu'ils fussent emportés par une course trop violente pour s'arrêter, ils voltèrent sur la place par demi-tour à droite et heurtèrent une femme et un vieillard qui disparurent sous les pieds des chevaux. « Feu, donc, feu !» s'écria Biot. Biot était près de l'officier, on put croire que c'était l'officier qui criait. Les gardes françaises portèrent le fusil à l'épaule, ils firent un feu de fil qui arrêta court les dragons. « Hé, messieurs les gardes !» bien officiellement, s'avançant sur le front de l'escadron en désordre. « Savez-vous que vous faites feu sur nous ?»« Pardieu, si nous le savons !» dit Billot, et il fit feu sur l'officier qui tomba. Alors les gardes françaises firent une seconde décharge, et les Allemands, voyant qu'ils avaient affaire, cette fois, non plus à des bourgeois fuyant au premier coup de sabre, mais à des soldats qui les attendaient de pied ferme, tournèrent bride et regagnèrent la place Vendôme au milieu d'une si formidable explosion de bravos et de cris de triomphe que bon nombre de chevaux s'emportèrent et s'allèrent briser la tête contre les volets fermés. « Vive les gardes françaises !» cria le peuple. « Vive les soldats de la patrie !» cria Billot. « Merci !» répondirent ceux-là. « Nous avons vu le feu et nous voilà baptisés. »« Et moi aussi !» dit Pitou. « J'ai vu le feu. »« Eh bien ?» demanda Billot. « Eh bien ?» « Je trouve que c'est pas aussi effrayant que je me le figurais. »« Maintenant, » dit Billot, qui avait le temps d'examiner la carabine et qui avait reconnu une arme d'un grand prix, « maintenant, à qui le fusil ?»« À mon maître, » dit la même voix qui avait déjà parlé derrière lui. « Mais mon maître trouve que vous vous en servez trop bien pour vous le reprendre. » Billot se retourna et aperçut un piqueur à la livrée du duc d'Orléans. « Et où est-il, ton maître » demanda-t-il. Le piqueur lui montra une jalousie entrouverte. Derrière la queue, le prince venait de voir tout ce qui s'était passé. « Il est donc avec nous, ton maître ?» demanda Billot. « De cœur et d'âme avec le peuple, » dit le piqueur. « En ce cas, encore une fois, vive le duc d'Orléans !» cria Billot. « Ami, le duc d'Orléans est pour nous. Vive le duc d'Orléans !» Et il montra la persienne derrière laquelle se tenait le prince. Alors la persienne s'ouvrit tout à fait, et le duc d'Orléans salua trois fois. Puis la persienne se referma. Si courte qu'elle eût été, l'apparition avait porté l'enthousiasme à son comble. « Vive le duc d'Orléans !» vociférèrent 2 ou 3 000 voix. « Enfonçons les boutiques d'armuriers !» dit une voix dans la foule. « Courons, invalides !» crièrent quelques vieux soldats. « Sombreuil à 20 000 fusils ! Aux invalides !»« À l'hôtel de ville !» s'exclamèrent plusieurs voix. « Le prévôt des marchands, Flessel, à les clés du dépôt des armes des gardes, il les donnera !»« À l'hôtel de ville !» répéta une fraction des assistants. Et tout le monde s'écoula dans les 3 directions qui avaient été signalées. Pendant ce temps, les dragons s'étaient ralliés autour du baron de Benzambal et du prince de Lambesc sur la place Louis XV. C'est ce qu'ignoraient Billot et Pitou, lesquels n'avaient suivi aucune des 3 troupes et qui se trouvaient à peu près seuls sur la place du palais royal. « Eh bien, cher monsieur Billot, où allons-nous, s'il vous plaît ?» demanda Pitou. « Eh !» dit Billot, « j'aurais bien envie de suivre ces braves gens. » Non pas chez les armuriers, puisque j'ai une si belle carabine, mais à l'hôtel de ville aux Invalides. Cependant, étant venu à Paris non pas pour me battre, mais pour savoir l'adresse de M. Gilbert, il me semble que je devrais aller au collège Louis-le-Grand, où est son fils, quitte après cela, quand j'aurai vu le docteur, à me rejeter dans tout le tohu-bohu. Et les yeux du fermier lancèrent des éclairs. « Aller d'abord au collège Louis-le-Grand me paraît chose logique, » dit sentencieusement Pitou, « puisque nous sommes venus à Paris pour cela. » « Prends donc un fusil, un sabre, une arme quelconque à l'un de ces fainéants qui sont couchés là-bas, » dit Billot. En montrant un des 5 ou 6 dragons étendus à terre, « Et allons au collège Louis-le-Grand. » « Et ces armes ?» dit Pitou en hésitant. « Elles ne sont point à moi. »« À qui donc sont-elles ?» demanda Billot. « Elles sont au roi. »« Elles sont au peuple, » dit Billot. Pitou, fort de l'approbation du fermier, qu'il connaissait pour un homme qui n'eût pas voulu faire tort à son voisin d'un grain de millet, Pitou s'approcha avec toutes sortes de précautions du dragon qui se trouvait être le plus près de lui. Et après s'être assuré qu'il était bien mort, il lui prit son sabre, son mousqueton et sa giberne. Pitou avait bien envie de lui prendre son casque, seulement il n'était pas sûr que ce que le père Billot avait dit des armes offensives s'étendît jusqu'aux armes défensives. Mais tout en s'armant, Pitou tendit l'oreille vers la place Vendôme. « Oh oh !» dit-il. « Il me semble que voilà un royal allemand qui revient. » En effet, on entendait le bruit d'une troupe de cavaliers qui revenait au pas. Pitou se pencha à l'angle du café de la Régence et aperçut en effet, à la hauteur du marchand Saint-Honoré, une patrouille de dragons qui s'avançait le mousqueton sur la cuisse. « Eh, vite, vite !» dit Pitou, « les voilà qui reviennent !» Billot jeta les yeux autour de lui pour voir s'il y avait moyen de faire résistance. La place était à peu près vide. « Allons, dit-il, au collège Louis-le-Grand. » Il prit la rue de Chartres, suivi de Pitou, qui, ignorant l'usage du porte-mousqueton scellé à la ceinture, traînait son grand sabre. « Mille dieux, dit Billot, tu as l'air d'un marchand de ferraille. Accroche-moi donc cette latte. Où ? Demanda Pitou. Eh, par Dieu, là ! Dit Biot. Et il suspendit le sabre de Pitou à son ceinturon, ce qui donna à celui-ci une célérité de marche qu'il n'eût pas pu atteindre sans cet expédient. La route se fit sans inconvénient jusqu'à la place Louis XV. Mais là, Biot et Pitou retrouvèrent la colonne qui se rendait aux Invalides et qui fut arrêtée court. « Eh bien, demanda Biot, qu'y a-t-il donc ?»« Il y a qu'on ne passe pas au pont Louis XV. Et sur les quais non plus. Et à travers les Champs-Élysées, non plus. Alors retournons sur nos pas et passons par le pont des Tuileries. » La proposition était toute simple et la foule, en suivant Biot, montra qu'elle était prête à y accéder. Mais des sabres luisaient à moitié chemin à peu près du jardin des Tuileries. Le quai était coupé par un escadron de dragons. « Ah ça, mais ces maudits dragons, ils sont donc partout !» murmura le fermier. « Dites donc, cher monsieur Biot, dit Pitou, je crois que nous sommes pris. »« Bon, dit Biot, on ne prend pas 5 ou 6 000 hommes, et nous sommes 5 ou 6 000 au moins. » Les dragons du quai s'avançaient lentement, il est vrai, au petit pas, mais ils avançaient visiblement. « Il nous reste la rue Royale, » dit Biot. « Viens par ici, viens, Pitou. » Pitou suivit le fermier comme son ombre. Mais une ligne de soldats fermait la rue à la hauteur de la porte Saint-André. « Ah, dit Biot. « Tu pourrais bien avoir raison, Pitou, mon ami. « Hein ?» se contenta de dire Pitou. Mais ce seul mot, exprimé par l'accent avec lequel il avait été prononcé, tout le regret qu'éprouvait Pitou de ne pas s'être trompé. La foule, par ses agitations et ses clameurs, prouvait qu'elle n'était pas moins sensible que Pitou à la situation dans laquelle elle se trouvait. En effet, par une habile manœuvre, le prince de Lambesc venait d'envelopper curieux et rebelles au nombre de 5 ou 6 000 et fermant le pont Louis XV, les quais, les Champs-Élysées, la rue Royale et les Feuillants, il les tenait enfermés dans un grand arc de fer dont la corde était représentée par le mur du jardin des Tuileries, difficile à escalader, et la grille du pont tournant, presque impossible à forcer. Biot jugea la situation. Elle n'était pas bonne. Cependant, comme c'était un homme calme, froid et plein de ressources dans le danger, il jeta les yeux autour de lui et apercevant un amas de charpentes au bord de la rivière. « J'ai une idée, » dit-il à Pitou. « Bien. » Pitou suivit le père Biot sans lui demander quelle était son idée. Biot s'avança vers les charpentes, en empoigna une et se contenta de dire à Pitou « Aide-moi. » Pitou, de son côté, se contenta d'aider Biot sans lui demander à quoi il l'aidait. Mais peu lui importait. Il avait dans le fermier une telle confiance qu'il serait descendu avec lui aux enfers, sans même lui faire observer que l'escalier lui paraissait long et la cave profonde. Le père Biot avait pris la solive par un bout, Pitou l'a pris par l'autre. Tous deux regagnèrent le quai, portant un fardeau que 5 ou 6 hommes de force ordinaire auraient eu peine à soulever. La force est toujours un objet d'admiration pour la foule. Si pressée qu'elle fût, elle s'écarta donc devant Biot et devant Pitou. Puis, comme on comprit que la manœuvre qui s'accomplissait était sans doute une manœuvre d'intérêt général, quelques hommes marchèrent devant Biot en criant « Place, place !»« Dites donc, père Biot, » demanda Pitou au bout d'une 30aine de pas, « allons-nous bien loin comme cela ?»« Nous allons jusqu'à la grille des Tuileries. »« Oh oh !» fit la foule, qui comprit, et elle s'écarta plus vivement encore qu'elle n'avait fait. Pitou regarda et vit que de la place où il était jusqu'à la grille, il n'y avait plus qu'une 30aine de pas. « J'irai, » dit-il avec la brièveté d'un pythagoricien. La besogne fut d'autant plus facile du reste à Pitou que 5 ou 6 hommes parmi les plus vigoureux prirent leur part du fardeau. Il en résulta une accélération notable dans la marche. En 5 minutes, on était en face de la grille. « Allons, » dit Biot, « de l'ensemble. »« Bon, » dit Pitou, « je comprends. Nous venons de faire une machine de guerre. » Les Romains appelaient cela un bélier, et la solive, mise en mouvement, heurta d'un coup terrible la serrure de la grille. Les soldats qui montaient la garde à l'intérieur des Tuileries accoururent pour s'opposer à l'invasion, mais au 3e coup la porte céda, tournant violemment sur ses gonds, et dans cette gueule béante et sombre, la foule s'engouffra. Au mouvement qui se fit, le prince de Lambesc aperçut qu'une issue était ouverte à ceux qu'il croyait ses prisonniers. La colère s'empara de lui. Il fit faire un bond en avant à son cheval pour mieux juger de la situation. Les dragons échelonnés derrière lui crurent que l'ordre de charger leur était donné et le suivirent. Leurs chevaux, déjà échauffés, ne purent modérer leur course. Les hommes, qui avaient à prendre une revanche de leur échec de la place du Palais-Royal, n'essayèrent probablement pas de les retenir. Le prince vit qu'il lui serait impossible de modérer le mouvement, se laissa emporter, et une clameur déchirante, poussée par les femmes et les enfants, monta au ciel pour demander vengeance à Dieu. Il se passa au milieu de l'obscurité une scène effroyable. Ceux qu'on chargeait devinrent fous de douleur, ceux qui chargeaient fous de colère. Alors une espèce de défense s'organisa du haut des terrasses, les chaises volèrent sur les dragons. Le prince de Lambesque, atteint à la tête, riposta par un coup de sabre, sans songer qu'il frappait un innocent au lieu de punir un coupable, un vieillard de 70 ans tomba. Biot vit tomber l'homme et jeta un cri. En même temps, sa carabine fut à son épaule, un sillon de feu traversa l'obscurité, et le prince était mort, si le hasard n'eût fait au même instant cabrer son cheval. Le cheval reçut la balle dans le cou et s'abattit. On crut le prince tué. Alors les dragons s'élancèrent dans les Tuileries, poursuivant les fugitifs à coups de pistolet. Mais les fugitifs, ayant désormais un grand espace, s'éparpillèrent sous les arbres. Biot rechargea tranquillement sa carabine. « Ma foi, tu avais raison, Pitou, » dit-il. « Je crois que nous sommes arrivés à temps. » « Si j'allais être brave, » dit Pitou en déchargeant son mousqueton plus épais les dragons, « il me semble que ce n'est pas si difficile que je le croyais. »« Oui, » dit Biot, « mais la bravoure inutile n'est pas de la bravoure. Viens par ici, Pitou, et prends garde de t'emmêler les jambes dans ton sabre. »« Attendez-moi, cher monsieur Biot. Si je vous perdais, je ne saurais plus où aller. Je ne connais pas Paris comme vous, moi. Je n'y suis jamais venu. »« Viens, viens, » dit Biot. Et il prit la terrasse du bord de l'eau, jusqu'à ce qu'il eût dépassé la ligne des troupes qui s'avançaient par les quais, mais cette fois aussi rapidement qu'elle pouvait, pour prêter main forte, si besoin était, au dragon du prince de Lambesque. Arrivé à l'extrémité de la terrasse, Biot s'assit sur le parapet et sauta sur le quai. Pitou en fit autant.